Section 3 de La grammaire de Mademoiselle Lily par Jean Massé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. 3. Les phrases. Qu'est-ce que c'est, des phrases? C'est la chose du monde la plus simple. As-tu fait ta prière ce matin en te levant? Oh oui, petite mère. J'ai demandé au bon Dieu d'être bien sage pendant toute la journée pour contenter papa et maman. Eh bien, voilà une phrase et une très bonne. C'est une suite de mots qui s'arrangent ensemble pour nous apprendre, à ton papa et à moi, que notre petite Lily nous aime bien. Il y a beaucoup de mots dans ta phrase. Si tu veux, nous allons les examiner les uns après les autres. Toute la grammaire y tient. Mademoiselle Lily est enchantée de savoir faire des phrases, et des bonnes, des phrases où tiennent toute la grammaire. Elle trouve que la grammaire, c'est très amusant. Fin de la section 3, enregistrée par Ezoa, en Belgique, en mars 2021.